Après la pub, petit flash d'information. Aujourd'hui, ça va encore crever. Des enfants vont encore tomber sur ces putains de routes d'exil où les gens cherchent de ville. Celle où la souffrance va se terminer. Là où ils n'auront plus besoin de marcher. Là où ils ne crèveront plus la dalle. Là où ils ne seront plus jamais sales. Mais elle est où cette ville frontière? Celle où finit l'horaire de la guerre. Se demande la petite fille abandonnée. Parents qu'elle a dû elle-même enterrer. Elle qui n'a même plus de chaussures. Qui a les pieds pleins de brûlures. Tellement ici le temps est froid. Mais tout ça, c'est bien loin de moi. Mais tout ça, c'est bien loin de moi. Bonne soirée, la météo va vous être présentée avec notre partenaire, les magasins moins chers que chers.